franceinter.fr. Bonsoir. C'est l'histoire croisée de deux femmes que je vais vous raconter ce soir, Victoria et Teresa. Des suffragettes, on a aujourd'hui en tête tout au plus quelques images sorties de vieilles photos jaunies ou de films muets, en robe longue avec de larges chapeaux à plumes, un parapluie à la main. On n'est pas loin de Mary Poppins. Elle défile arborant des pancartes « Droit de vote pour les femmes », image en noir et blanc un peu surannée. Le mot suffragette lui-même ne fait-il pas encore un peu sourire ? À travers les personnages imaginaires de Victoria et Teresa, c'est l'histoire du combat des suffragettes anglaises dont nous allons parler ce soir. Une histoire oubliée, celle où avant la guerre de 14, des femmes manifestaient en masse dans la rue, s'enchaînaient aux grilles de Westminster, brisaient des vitres avec des marteaux qu'elles avaient dissimulés dans leurs manchons, étaient brutalisées par la police, emprisonnées, gavées de force si elles tentaient une grève de la faim. Avec en arrière-plan l'éternelle question, faut-il choisir le pacifisme ou l'action violente ? L'histoire de Victoria et Teresa, c'est toute la force de la fiction, est aussi celle d'une amitié, née entre deux êtres qu'en apparence tout séparait, deux jeunes femmes bien décidées à vivre pleinement leur vie. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Myriam Boussaba-Bravard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, vous enseignez à l'Université Paris Diderot. Votre spécialité, c'est l'histoire du 19e siècle anglais, et en particulier l'histoire du suffrage féminin, de leur citoyenneté. Alors, avez-vous le sentiment que le long combat des femmes pour le droit de vote fait partie de notre mémoire collective aujourd'hui ? Bah en tout cas, il devrait. La question, évidemment, c'est à cette période-là, c'est l'obtention et la formalisation du vote qui est très important puisqu'elles ne l'ont pas. Mais à l'occasion de cette campagne, toutes sortes de problèmes, ce qu'on appelait à l'époque des questions, vont être soulevées, qui sont des questions de citoyenneté extrêmement importantes et dont certaines sont toujours d'actualité. Et les suffragettes, elles sont dans les livres d'histoire pour les étudiants aujourd'hui, pour les lycéens ? Alors aujourd'hui, l'histoire du suffrage, d'une façon générale, pour les hommes comme pour les femmes, parce qu'il y a une histoire pour le suffrage masculin également en Angleterre, oui, c'est dans les livres d'histoire. Celui pour les femmes et en général, toutes les questions sur les femmes sont souvent beaucoup plus réduites. Et ça, c'est un problème, toujours aujourd'hui. Et en effet, du coup, on se trouve face à des stéréotypes avant le suffrage, pendant le suffrage et depuis le suffrage qui ont la vie du... Une des comédiennes qui joue dans la fiction qu'on va entendre dans quelques minutes n'avait jamais entendu parler des suffragettes. Elle va avoir 25 ans dans ces eaux-là. C'est surprenant quand même. Alors là, bon, après c'est un cas individuel. Je pense que la plupart des gens ont entendu le mot, mais ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Et en fait, ce que j'explique à mes étudiants et mes étudiantes, c'est que le mot le plus intéressant, c'est suffragiste. Et que suffragette, c'est une catégorie à l'intérieur de ça. L'histoire fictive, je l'ai dit, de Victoria et Teresa, que je vais raconter dans un instant, commence en 1897, donc on est en Angleterre. Quelle est la situation à ce moment-là pour les femmes, le droit de vote notamment, donc en Angleterre et dans le monde, assez grossièrement ? Alors en ce qui concerne les Anglaises, elles n'ont toujours pas le vote. La campagne a commencé dans les années 1860. Après, on peut discuter le moment exact du départ. Alors, 1897, c'est une date intéressante pour la campagne suffragiste, puisque c'est l'année où la grande fédération suffragiste se crée, le National Union of Women Suffrage Societies, donc menée par Millicent Garrett Fawcett, qui est une grande suffragiste et qui va fédérer les femmes des classes moyennes et les ouvrières. Et ça, c'est une première nouveauté pour 1897. Au point de vue international, depuis la fin des années 1880, on a un mouvement international féminin. Et d'ailleurs, le suffrage va leur poser problème puisque c'est le suffrage qui sera le point de division entre différentes formes d'organisation, y compris au niveau international. Mais est-ce qu'il y a déjà des femmes dans le monde qui ont le droit de vote à ce moment-là? Alors en 1897, non. En tout cas, pas de vote au niveau national. On peut avoir ici et là quelques votes qu'on va appeler régionaux, très disséminés. Le premier pays qui donne le vote aux femmes, c'est 1906. Donc vous faites la distinction entre suffragiste et suffragette, brièvement aussi. Quelle est la différence? Alors une suffragiste ou un suffragiste, puisque les hommes étaient présents dès le début, c'est celui et celle qui veut le vote pour les femmes. Ouais. Les suffragettes, historiquement parlant, seront celles qui seront associées à une ou deux organisations à partir de 1906 et 1907 et qui vont, et ça fait référence aux méthodes qu'elles vont employer, aux méthodes politiques de propagande qu'elles vont employer. Alors Myriam Boussaba Bravard, on continue cette discussion dans une trentaine de minutes, juste après Victoria et Teresa, les suffragettes, un texte original de Jean-Benoît Patricot. La réalisation est signée Baptiste Guiton. Quel prodige, ces personnes immobiles arrivent-elles à gravir l'escalier? Comment est-ce possible? Voyons. Oh! Ce sont les marches qui montent toutes seules? Pas question que je grimpe là-dessus, j'aurais trop peur que ma robe se coince dans les dents de ces marches en bois. Je risquerais de me retrouver en culotte devant toute cette foule. Ou alors que l'escalier ne s'emballe et ne m'envoie directement au paradis. Non, je vais prendre l'escalier en pierre. Il est si majestueux. Tout dans ce nouveau grand magasin est gigantesque. Et cette verrière, elle est si haute qu'on se croirait dans un hall de gare. Oh, quelle profusion. Que de choix. Cela donne le tournis. Ah, voilà la ganterie. Stuart a besoin d'une paire de gants chamois aux gris perles. Aïe, mon pied! Pardon. On aurait pu s'excuser, celle-là. Après tout, c'est elle qui m'a piétinée. Mal élevée, mais bien jolie, cette demoiselle. Avec ses cheveux blonds vénitiens et sa taille fine. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mademoiselle. Mademoiselle. Je vous ai vue. Remettez ses gants dans le bac ou j'appelle un responsable. Qu'est-ce qu'elle a, la lady? Un malaise? Le corset qui la démange? Je vous ai vu, vous avez glissé une paire de gants sous votre jaquette. Alors? Mais c'est du vol. Appelle ça comme tu veux, ma belle. Moi, j'en ai besoin. Et comme j'ai pas le moindre pénis... Non, ce n'est pas parce que tout est à portée de main qu'il faut se servir. T'as vu le prix? C'est plus que mon salaire à la manufacture. Reposez-les tout de suite ou j'appelle un responsable. Appelle? Je ne veux pas que vous ayez des ennuis. Soyez raisonnable, donnez-moi ces gants. Allons, laisse-moi passer, Frangine. Nous ne sommes pas sœurs. Bien sûr qu'on l'est. Qu'est-ce que tu t'imagines? Mais comment on pourrait? Vraiment? T'as fait des études à Oxford, toi? Non, vous savez bien qu'il n'y a pas de femmes qui... T'as fait des études de médecine? Mais non, les femmes ne peuvent pas... Alors quoi? Papa t'a payé une école privée dans le coin? Oui. Et? Rien, je me suis mariée. Et comme... voilà pourquoi on est sœurs. La grande famille des moins que rien, celle qui compte pour du beurre. Alors, laisse-moi repartir avec mes gants. Si je le fais, je deviens votre complice. Eh oui, ma sœur. Je pourrais vous les offrir. Vraiment? Et pourquoi donc? Pourquoi avez-vous besoin de ces gants? Il fait moins froid ici qu'à Leeds, mais quand même. Vous mentez. Vous les avez choisis, je vous ai vu. Si c'était juste pour le froid, vous auriez pris la première paire venue. Ce sont des mitaines en angora. On a des goûts de luxe. Mais non, c'est juste que ce sont les seuls qui me permettront d'écrire. Écrire quoi? De la musique. Écrire de la musique? Vous voulez dire recopier des partitions? Et voilà, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Il ne te serait pas venu à l'idée que je puisse composer? Vous êtes compositeur? J'essaie, mais c'est le pire métier artistique pour une femme. Moi, je voulais peindre. Quoi? Des fleurs et des enfants? Non, pas de nature morte. Que de la vie. Des femmes. Surtout des femmes. « 1897. la reine Victoria fête son jubilé de diamant, célébrant ses 60 ans de règne. Le royaume d'Angleterre veut toujours croire à sa splendeur et à sa prospérité. Pourtant, parmi le peuple anglais, il existe une catégorie de sous-citoyens. Des personnes qui ont moins de droits qu'un criminel ou qu'un enfant. Des personnes qui n'ont presque pas accès aux institutions ou à l'éducation, qui dès leur mariage ne sont plus considérées comme des citoyens à part entière. Ce sont les femmes. Avant, j'aimais bien aller à la Tate Britain voir le tableau de John Everett Millais. Durant de longs moments, je contemplais son Ophélie dérivant dans la rivière, ses yeux morts tournés vers le soleil. Le jour où j'ai compris que ma fascination pour ce tableau venait de cette impression que c'était de moi qu'il s'agissait, j'ai cessé de venir le voir. J'avançais dans la vie comme une noyée, engoncée dans sa robe couverte de brocart et de pierres précieuses. Après ma rencontre avec Teresa, je me suis déshabillée. La robe a sombré. Qu'elle repose dans la vase. Je n'en veux plus. J'ai revu Teresa Garnett. Dans des musées, des salons de thé. Les journées où je la retrouvais me semblaient plus riches. Elles étaient mues par une sorte d'espoir, de promesse. Elle m'a offert ma première boîte de pastels. Je n'ai pas osé demander si elle l'avait volée. Nous sommes devenus inséparables. Il n'y a que chez Emmeline Pankhurst que j'ai refusé de la suivre. Cette mère et ses filles ont organisé un mouvement de suffragettes prêtes à utiliser la violence pour obtenir les mêmes droits civiques que les hommes. En quoi cracher à la figure des policiers, chercher l'affrontement physique à chaque manifestation, briser toutes les vitres de la City va servir la cause du vote des femmes. Moi, je préfère être une suffragiste pacifique et me joindre au mouvement de Millicent Fawcett, qui prône le dialogue avec les députés. Teresa, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sortie en cheveux et sans gants, tu as encore la police à tes trousses? Non, t'as un piano? Oui, dans le salon, mais... Où vas-tu? Teresa? On m'a saisi mon piano! Il faut que je... Chut, tout de suite, attends! Perdu, j'ai eu peur, j'ai cru que ma mélodie s'était enfuie. C'est très joli. Joli? Dieu me préserve de composer joli, ça fait tellement demoiselle juste autorisée à pianoter pour égayer les soirées de ces messieurs. Moi, je veux créer des mélodies troublantes et fortes. Je ne voulais pas dire mièvre. C'est un synonyme de joli. Oh, tu es impossible, toujours sur la défensive. Excuse-moi. T'as raison, avec toi, je ne devrais pas me tenir sur mes gardes. Raconte-moi plutôt comment ça se passe depuis que t'es entrée dans cette association de femmes pacifistes. Nous avons fait la liste de tous les députés qui sont favorables au vote des femmes. Tous? Mais il y en a combien? Combien, Victoria? Deux. Dieu du ciel! Deux! La liste n'a pas été longue à faire. Trois, avec Stuart. Stuart? Qui est Stuart? Mon mari. Ton mari est député? Oui. Mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Ah, tiens, la profession de mon mari me définit. Je ne suis que la femme du député, c'est ça? Bien envoyé, je l'ai mérité. Tu veux le rencontrer? Qui ça, ton mari? Il est là? Oui, dans son bureau. Viens. Oui? Stuart, on peut entrer? Je suis avec mon amie Teresa. Ah, entrez, oui. Attends, Teresa, il faut que je te dise. Quoi? Stuart, un accident de chasse. Il ne voit pas. C'est récent. Il se remet et va reprendre le travail. Il est aveugle. Un député aveugle? Oui. Je vous attendais pour la lecture du journal, darling. J'arrive. Un contretemps, Teresa devait utiliser de toute urgence notre piano. Une urgence de piano, mais c'est pas très commun, ça. Asseyez-vous, je vous en prie. Teresa, vous pourrez profiter du piano tant que vous voudrez. Merci. Victoria, Pouvez-vous me décrire votre amie? Oh, elle est... Elle est très jolie, ça vous me l'avez déjà dit, mais encore... Jolie, moi? Eh bien, elle a un visage plein. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il est tellement vivant, toujours animé, et sa bouche est grande, avec des lèvres très colorées parce qu'elle les mordit tout le temps. Et vous, Teresa, vous pouvez me décrire ma femme? Mais vous me connaissez par cœur. Oui, oui, mais aujourd'hui, que reflète son visage? Vous vous souvenez de ce petit sourire doux qu'elle a tout le temps? Ah oui. Eh bien, aujourd'hui, il est lumineux. Et pourquoi ce bonheur, Victoria? La visite impromptue de Teresa et le plaisir de lui annoncer ce que nous allons faire. Quoi donc? Qu'est-ce que vous manigancez? Vous avez l'air si complice. Stuart va avoir une nouvelle secrétaire très dévouée qui l'accompagnera toute la journée, qui prendra des notes pour lui, qui assistera à tous les conseils. Une femme qui deviendra très au fait de tous les arcanes de ce monde, qui pourra acquérir un savoir intéressant pour faire progresser certaines causes. Et cette secrétaire? C'est moi. C'est pour cela, Teresa, que je te dis qu'il faut que nous soyons patientes. Nous trouverons le moyen de faire passer une loi nous accordant le droit de vote, sans avoir recours à la violence. Je devrais en pleurer, mais j'en ris. Même si les conséquences de son geste risquent d'être graves. Mais mon Dieu, que Teresa m'a fait rire. Même Stuart, qui pourtant aurait eu toutes les raisons du monde d'être furieux, était hilar. Cet après-midi, Teresa s'est rendue à la gare de Bristol. Elle savait que le ministre du Commerce extérieur, Winston Churchill, y descendrait. Et à peine avait-il fait quelques pas sur le quai que ma Teresa s'est précipitée sur lui, bousculant son service de protection. Elle avait caché dans sa manche un fouet d'équitation. Et voici qu'elle en envoie un sérieux coup à Churchill en criant « Prends ça, espèce de brute, au nom de toutes les femmes d'Angleterre !» Bon, Teresa reconnaît que c'est surtout le haut de forme de Churchill qui a pris et qu'au deuxième coup, il a réussi à lui confisquer le fouet, mais tout Londres ne parle plus que de cet outrage. Imaginez Churchill, avec sa tête de cochonnet recevant la fessée de Teresa. Comme nous avons ri. Évidemment, Teresa a été arrêtée, interrogée, et à minuit, j'ai pu la récupérer. Elle est venue se réfugier chez nous, mais dans 2 jours, elle devra se représenter au poste de police. J'ai bien peur qu'ils ne la gardent. Oui, c'est moi. Ne bouge pas, n'essaye pas de te lever. Quand bien même je le voudrais, je pourrais pas. J'ai plus la force. Oh, Teresa, pourquoi on est arrivé là? Regarde où tu es. Cette cellule, cette litière dont ne voudrait même pas un chat errant. Qu'est-ce que tu t'imaginais, Victoria? Que les prisons de Londres étaient des petits nids cosy? Je pensais que pour les femmes... Quoi? Que j'aurais un joli lit en bois tourné, avec oreiller épais et des draps à dentelle. Réveille-toi, Victoria. Réveille-toi. Il faut que tu te sortes de là. Il faut que tu arrêtes la violence. Rejoins-nous. Tu crois qu'on change le monde en faisant des manifestations qui ressemblent à des promenades au parc? Jamais. Mais regarde, un nouveau projet de loi sur le vote des femmes vient d'être proposé. C'est le combientième? Ils vont se moucher avec, et tu le sais. Tant que vous ne les dérangerez pas plus qu'une pluie d'été, ils ne feront rien. Votre violence... Notre violence? Regarde-moi. Regarde mon corps. Notre violence, dis-tu? Oh, Teresa, s'il t'arrivait quelque chose, il faut que tu te nourrisses. C'est pour ça que t'es là? Pour tenter de me faire abandonner ma grève de la faim? Le juge a ordonné que les grévistes soient nourris de force. Qu'ils essaient. Écoute-moi, ils le font. Ils le font vraiment. Une de tes amies est venue chez Millicent Fawcett, tu sais, celle qui dirige notre mouvement, pour raconter ce qu'ils vous font. Je me défendrai, je mordrai. Je mettrai le feu à cette paillasse. Non, Teresa, ils vont te tenir clouée sur un lit et un médecin va insérer un tuyau dans ton nez. Un tuyau de 2 mètres. Mais je mesure 1,65 m, il va ressortir. Ne ris pas, c'est sérieux. Il paraît que cela provoque des douleurs terribles dans la gorge, dans la poitrine. Tu as l'impression de t'étouffer. Avec un entonnoir, ils versent du lait, même parfois un œuf. Ils font ça tous les 2 jours. Arrête! Je veux plus rien entendre. Dis-moi plutôt comment t'as pu entrer ici, alors que personne n'est... Stuart, il a obtenu que ta sœur puisse te rendre visite. Alors comme ça? Pour la justice, nous sommes devenues sœurs. Il faut que tu renonces, que tu manges. Regarde, j'ai du pain, du raisin. Si tu as un peu de respect pour moi, reprends tout ça. Mais je leur ai dit que... À qui ? Aux gardiens, ils m'ont dit qu'ils t'emmèneront tout de suite au gavage si je ressors avec mes provisions. Victoria, fais-moi plaisir. Tout ce que tu veux. Va leur écraser ton raisin sur la figure. Non, Teresa, non, ils vont... Teresa, dis-leur que tu vas manger. Au revoir, Victoria. Teresa ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! En 1910, le mouvement de l'union sociale et politique des femmes, à l'origine des actes de violence, accepte une trêve. Teresa sort de prison. Elle a survécu au gavage. La torture a renforcé sa détermination. Elle refuse de composer de la musique tant que les femmes n'auront pas le droit de vote. Elle entre comme professeure de solfège dans une école pour jeunes filles. Le jour où les deux amies doivent se retrouver, le 18 novembre 1910, on annonce l'abandon d'un projet de loi qui aurait permis à 1 million d'Anglaises de voter. Au lieu de retrouver Victoria, Teresa marche avec 300 femmes sur le Parlement, où elles sont attendues par la police qui les repousse sans ménagement. Deux militantes sont mortellement blessées. C'est le Black Friday qui provoque une recrudescence d'actes violents. Les suffragettes n'hésitent pas à aller jusqu'à incendier les maisons de membres du gouvernement et même à déclencher une vague d'attentats à la bombe. Entrée dans la clandestinité, Teresa disparaît de la vie de Victoria. Pour rester toujours présente dans la presse, les suffragettes du mouvement des Pankhurst doivent inventer de nouvelles actions. Un jour de juin 1913, Emily Davison se tient dans un des tournants du champ de course où a lieu le derby d'Epsom. Les chevaux arrivent. Parmi eux se trouve celui du roi George V. Emily sort de son sac deux fanions marqués du sigle des suffragettes et franchit la barrière de sécurité. Just as the field was rounding Tattenham Corner, a young woman stepped out from behind the rails, waited for Anne to come by, and as it did, to the horror of the crowd, she grabbed at the horse's reins, bringing it down. Emily Davison was the young woman's name. She was critically injured. Teresa ? Teresa, j'étais sûre de te retrouver à l'enterrement d'Emily. Chut, pas de nom. Il doit y avoir des agents de la police partout. Tu es encore recherchée ? Oui. On m'accuse d'avoir incendié un terrain de golf réservé aux hommes. Mais c'était toi ? Il vaut mieux que tu n'en saches rien. Restons un peu assises dans le jardin du presbytère, veux-tu ? Mes trois grèves de la faim m'ont affaiblie. Tu as l'air contrariée, Victoria. Tu sais bien que je ne pouvais pas te donner de mes nouvelles. Non, je sais. Ce n'est pas... Je ne suis pas contrariée. Je te connais, Victoria. Même quand tu affrontes les contradicteurs les plus bornés, tu ne te départs pas de ton sourire. Sourire à un enterrement ? Tu sais très bien ce que je veux dire. Ce n'est pas de la peine que je lis sur ta figure, mais de la colère. Aucun combat ne mérite que l'on sacrifie volontairement sa vie. Qu'est-ce que tu racontes ? Emily ne s'est pas suicidée. Se dresser devant un cheval lancé au galop, pour toi, ce n'est pas un suicide ? Non, c'était un accident. Émilie avait le projet de fixer un fanion avec notre sigle sur la bride du cheval du roi. Et en quoi cela aurait fait avancer notre cause ? Toujours être dans la lumière. Eh bien, c'est réussi. L'accident a été filmé et passe déjà dans les actualités avant les films. On m'a dit qu'il y a même des gens qui reviennent à la séance suivante rien que pour l'accident. Et en quoi cela fait avancer la cause des femmes ? Eh bien, peut-être que de voir à quelles extrémités nous en sommes réduites finira par payer. Le sacrifice d'Émilie n'a fait avancer que la cause du voyeurisme. Belle cause. Que tu es injuste, Victoria. Moi ? Injuste ? Mais je préférerais qu'Emily soit à nos côtés au lieu de se retrouver broyée, désarticulée comme une poupée. Regarde cette ferveur. Regarde comme cette mort nous relie. Non, moi je te le dis, cette mort est la preuve que vos actes de violence nous coupent du peuple anglais. Mais non. Mais si. As-tu vu que dans la presse on s'inquiète plus du sort du cheval que de celui d'Emily ? Jusqu'où voulez-vous aller ? Combien de temps serez-vous encore aveuglée ? Ne crains rien, tout cela va finir. Vous renoncez à la violence ? Non. La violence vient à nous. N'as-tu pas entendu parler de ces rumeurs de guerre ? Si, bien sûr. Stuart en a perdu le sommeil. Il dit qu'il faut dialoguer, éviter la guerre à tout prix. Toujours votre credo pacifiste. Vos mots ne peuvent rien contre le désir des hommes d'aller au combat. Mais il faut les retenir, Teresa. Mon mouvement va tout faire pour aider les pacifistes. Les vrais patriotes se préparent au combat. Qu'est-ce que tu vas faire? Lever une armée de femmes? Exactement. Nous allons constituer des bataillons de combattantes. Ce n'est pas le rôle des femmes. Comment refuser l'égalité à celles qui se seront battues pour le pays? Compter les mortes au combat? C'est ça vos projets? Et toi, que vas-tu faire? Si les hommes doivent partir au front, il faudra bien que quelqu'un les remplace ici. Tu préfères une armée d'ouvrières? Oui. Qu'est-ce que tu connais au travail à l'usine? Tu crois qu'elles seront accueillies à bras ouverts? Mais qui d'autre que les femmes pourra continuer à maintenir notre industrie? Eh bien, je préfère mes Amazones à tes exploités. Alors espérons que cette guerre n'éclate pas. Là, je te retrouve, ma rêveuse. Les hommes veulent cette guerre. Ils l'auront. Et ils nous entraîneront dedans, que tu le veuilles ou non. J'ai trouvé une alliée de taille pour mon armée d'ouvrières. Adela Pankhurst, qui a pris la tête du mouvement des suffragettes à la suite de sa mère, a organisé une réunion regroupant tous les syndicats. Elle les a convaincus de laisser les femmes occuper des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Moi, je suis obligée de rester auprès de Stuart. Nous travaillons au Parlement sans discontinuer. Il faut que la fin du conflit soit rapide. Je tremble chaque jour pour Teresa qui est partie avec nos troupes sur le front. Je n'ose imaginer ce qui se passerait si elle tombait entre les mains des Allemands. Le Kaiser a recommandé à ses troupes de mettre en pièces notre armée. Il considère que nous sommes des traîtres. Il n'oublie pas que notre roi George V est son cousin puisque la reine Victoria était leur grand-mère. Cette guerre est aussi une affaire familiale. Après avoir servi comme infirmière, Teresa revient à Londres au début de l'année 1918. Au sein de la population, qui dans un premier temps a salué le courage des femmes parties au front, commencent à circuler des rumeurs malveillantes concernant leur moralité. Peut-on savoir quel comportement ont eu ces femmes libres, sans attache, sans mari, lorsqu'elles se sont retrouvées dans la promiscuité avec les soldats? Teresa comprend rapidement qu'elle n'est pas la bienvenue. Son poste d'enseignante à l'Académie de musique ne lui est pas restitué. Ne risquerait-elle pas de corrompre la moralité de ses jeunes élèves? Merci, Victoria. C'est le minimum que je puisse faire pour toi, Teresa. Reste avec nous autant que tu le voudras. Je suis tellement en colère. La guerre n'est pas finie et déjà ceux qui en reviennent sont maltraités. Tu vas pouvoir m'aider? À moins que tu ne veuilles retourner auprès des Pankhurst. Ah non. La violence, j'en ai assez vu. Assez subi. J'aspire à la paix maintenant. Je sais que mes anciennes camarades veulent recommencer à en découdre, mais moi, je ne peux plus. Alors, tu vas pouvoir nous aider, Stuart et moi. Nous avons un plan. Vous allez encore déposer un énième projet de loi? Mais même s'il y a un changement de mentalité, ça ne sera pas suffisant. Regarde, on devrait me célébrer, on me considère comme une moins que rien. Non, ce ne sera pas un projet de loi sur le vote des femmes, mais sur le vote tout court. Comment ça? Avant-guerre, pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, les hommes devaient prouver qu'ils avaient occupé le même logement durant une année. Oui, je sais, et alors? Et alors? Eh bien, aucun soldat ne pourra voter aux prochaines élections. Où était leur maison? Ils n'étaient même pas sur le sol anglais. Ils vont empêcher les soldats de voter? Mais non, comment veux-tu? Les soldats prennent le risque de se faire tuer, et au retour, on leur annonce qu'ils ne sont plus citoyens. Tu imagines le scandale? Il faut donc que les députés changent la loi. Oui. Et c'est pourquoi nous avons rédigé un amendement avec Stuart sur le vote des femmes qu'ils seront obligés d'examiner. Oh, Victoria! Si ça pouvait marcher, comment est-ce que je peux vous aider? Il faut que tu te montres, que tu parles à la presse du travail accompli par les femmes. Tu crois que ça suffira? Absolument pas. Déjà, ils financent des campagnes de presse pour dénigrer le travail des femmes. Elles seraient surpayées alors qu'elles sont sous-qualifiées, elles négligeraient leurs enfants, toute leur paye passerait en produit de luxe. C'est pour cela que je veux que tu te montres. Tu as l'air si sûre que cette loi pour le vote des femmes va passer. Ça va passer. Mais pourquoi cette fois? Parce qu'ils sont coincés. Ils n'ont pas vu venir le coup. Ils ont laissé Stuart déposer l'amendement pour faire semblant de l'examiner en pensant pouvoir le retoquer au dernier moment. Et pourquoi ils ne le feraient pas? Parce que cette fois, on les tient. Par les bolas de toro. Olé! Stuart, je vous aime beaucoup. Évidemment qu'il fallait déposer cet amendement. Par convenance, il aurait été inopportun de ne pas envisager de donner aux femmes le droit de faire entendre leur voix directement. Mais Dans un bureau de la Chambre des communes, Stuart est reçu en tant que représentant des rares députés ayant soutenu le vote des femmes par Lord Paisley. Celui-ci doit conclure la loi générale sur le vote afin de la présenter au gouvernement. La récréation est finie. L'issue de la guerre ne fait plus de doute, nous allons gagner. Les hommes vont rentrer et ils devront pouvoir retrouver leur poste. Il y en a quand même près d'un million qui ne rentreront pas. Et je sais que vous avez en préparation une loi rétablissant les pratiques industrielles d'avant-guerre et le licenciement massif des femmes. Ah ouais, il ne faudrait pas que, par un retournement de situation, on leur reproche de voler le travail des hommes. Et alors, mon amendement ? Au regard de ce qu'ont accompli les femmes, il était important qu'il soit dans le projet de la loi électorale, mais à présent, nous allons devoir le rejeter. Mais pourquoi ? Puisque les registres électoraux doivent être totalement refaits, pourquoi ne pas y introduire les femmes ? Je sais que votre épouse a écrit au Premier ministre une lettre dans ce sens et qu'il y a été sensible. Mais soyons réalistes. Avez-vous une idée de comment vont voter les femmes ? Nous risquons de modifier d'un coup tout le paysage politique du pays. Ce serait très dangereux. Non, désolé, Lord Paisley, mais vous allez devoir laisser cet amendement. Mais pourquoi donc ? Si vous rejetez la clause 4 sur le vote des femmes, c'est tout le projet qui capote. Êtes-vous vraiment prêt à affronter les militaires pour leur expliquer pourquoi ils ne pourront pas voter ? Mais non, on pourrait être... Non, non, c'est trop tard pour remettre tout à plat. Aujourd'hui, c'est la loi électorale avec le vote des femmes, ou pas de loi du tout, et le chaos garanti. C'est tout ou rien. Choisissez. Alors, Stuart ? Demi-victoire, darling. Pourquoi ? Les femmes auront le droit de vote. Alléluia ! Teresa, tu entends ? On a gagné ! Attends, je sens un mec qui arrive. Stuart ? Ils ont réussi à modifier notre amendement pour en diminuer le risque, selon eux. Et seules les femmes de plus de 30 ans pourront voter. Mais c'est totalement incohérent. Cela prive de droit justement les jeunes femmes qui ont travaillé dans les usines et celles qui ont perdu leur mari au combat. Oui, mais ça a l'avantage pour eux de réduire considérablement le nombre de votantes. Il faut dénoncer cette idiotie. Retournons dans la rue. Non, il vaut peut-être mieux une mauvaise loi que pas de loi du tout. Pas question ! On devrait pouvoir compter sur la colère de celles qui méritent ce droit. Teresa. Ils pourront pas tenir longtemps cette restriction. Mais combien de temps, Stuart ? Le temps politique n'est pas le même que le nôtre. Alors on se tait, on accepte et on dit merci en plus ? Non, on se dit qu'on a fait le plus long du chemin et que la victoire totale est à portée de main. Bon, il faut quand même fêter ses débuts. Buvons, j'ai préparé du champagne. Oh, attends, sers-nous des demi-coupes, nous n'avons pas encore le droit à la coupe entière. Quel plaisir de t'avoir eu près de moi ces quelques jours. Je regrette déjà nos promenades en bord de Seine, le petit café de la Place Monge et nos dîners à la cantine de Belleville. Mais nous ne devrions pas rester séparés trop longtemps si ce que dit Stuart est vrai. Si réellement en juin toutes les femmes d'Angleterre obtiennent le droit de vote, alors je rentrerai à Londres. 1918-1928, il aura fallu 10 ans pour que toi et tes amis parveniez à faire aboutir notre cause. Stuart avait raison, le temps politique est très différent du temps humain. Je quitterai Paris sans regret. Les Français vont me rendre folle. La Chambre des députés avait à nouveau adopté une résolution concernant le suffrage des femmes aux élections, et comme d'habitude, les sénateurs ont tout bloqué. Je n'en peux plus. Quel dommage qu'ici l'Union nationale pour le vote des femmes soit un mouvement si conservateur. Ses dirigeantes se braquent dès que je parle d'actions un peu violentes. Je t'assure qu'un ou deux incendies réveilleraient ces vieux barbons. J'espérais que l'acceptation du droit de vote des femmes par le pape Benoît XV allait débloquer la situation, mais c'est pire. Car maintenant, les laïcs ne veulent pas laisser penser qu'un pape puisse les influencer. Dire qu'en Suède, en Allemagne, en Russie et dans de nombreux autres pays, ce droit est acquis, et qu'ici, au pays des droits de l'homme, c'est loin d'être gagné, c'est désespérant. Ma douce, je reviens vivre auprès de vous. Je pourrai ainsi voir grandir vos deux adorables filles. Le monde dans lequel elles vont grandir est déjà plus accueillant pour elles qu'il ne l'était pour nous. Je t'embrasse de toute mon âme. ton unique, Teresa. Peu après le départ de Teresa pour l'étranger, je me suis lancée dans la création d'une université féminine. La levée de fonds a été difficile. Les femmes possèdent si peu. Heureusement, l'état d'esprit des hommes a évolué et j'ai pu compter sur quelques généreux donateurs. J'ai posé la première pierre en pensant à cet après-midi, il y a maintenant plus de 30 ans, où Teresa et moi étions allés visiter Oxford. Tu te rends compte, Teresa, si on avait pu étudier ici ? Aujourd'hui, on pourrait réellement participer aux affaires du pays. Rêve pas, Victoria. Ils sont pas prêts de nous laisser entrer. Ils ont trop peur que nous soyons plus intelligentes qu'eux. Tu as raison. Si le monde était gouverné par des femmes, il tournerait autrement. Oui, ben, avant de pouvoir le faire tourner, il faudrait déjà avoir le droit de vote. On l'aura, Teresa. On l'aura de gré ou plus sûrement de force. L'herbe, elle est bien épaisse. Elle fera un très bon tapis pour s'asseoir à disputer. Teresa ! Quoi ? Relève-toi ! Pourquoi ? Viens, profitons du soleil. Mais c'est interdit ! Mais non, regarde là-bas, ce groupe d'étudiants qui s'y vautre. C'est interdit aux femmes seulement. Pardon ? Il nous est conseillé de ne pas quitter les allées. S'asseoir sur l'herbe pourrait être trop compromettant. J'y crois pas. L'herbe leur est réservée ? Viens, il y a des bancs plus loin. Ah bah oui, à l'ombre, sans vue, tournée vers le mur de la bibliothèque. Oh, la bibliothèque ! Viens. Je suis curieuse de voir à quoi elle ressemble. Entrons. Non. Quoi encore ? On m'a bien recommandé de ne pas y entrer. Non, me dis pas que la bibliothèque... Si. Tu ne voudrais pas qu'on soit humilié par une mise à la porte devant tous les étudiants ? Je crois que j'ai hurlé. Oh, Victoria ! Quoi ? T'es folle, retiens-toi ! Qu'est-ce que tu racontes ? Tu respires. Je viens de voir de l'air réservé aux étudiants d'Oxford entrer dans tes poumons. Rejette ça tout de suite. Arrête, tu me fais peur. Ah, voilà, t'es bien une femme, toi. On te donne de l'air intelligent et tu rejettes du vulgaire gaz carbonique. Faut toujours vous gâcher tout, vous, les femmes. Teresa ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vais rouler dans cette herbe jusqu'en bas de la pente, jusqu'à ce qu'on obtienne les mêmes droits que les hommes. Ah, alors t'as pas fini de tourner ? Allez, relève-toi, c'est indécent. On se retrouve en bas, Victoria. M'abandonne pas. Oh, t'es folle, on va voir nos jupons. Bon, attends-moi, Teresa. Attends-moi. Victoria et Teresa de Jean-Benoît Patricot avec Anaïs Desmoutier, Victoria, Carole Franck, Teresa, Jérôme Kircher, Stuart et Jean-Gabriel Nordman, Lord Paisley, Bruitage, Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour et Sacha Trop, assistante à la réalisation Lise-Marie Barré, réalisation Baptiste Guiton. Autant on emporte l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, nous continuons la discussion sur les suffragettes avec mon invitée Myriam Boussaba-Bravard. Lincoln. concrete got you walking to a place you know. You gonna meet your maker with it, as you know. Late night creature go a-walking with a head hung low. All her features are a-talking, but she don't know, she don't know. She don't know, she don't know. I said she don't know. High heels clinging on the pavement, streets aglow. Hips are swaggering and aching to and fro. She don't need no education when the streets are mean. He don't see no revelation in her jeans, but she don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. She don't know. How easy it is to make a dollar when a man gon' give you his wages just to make him scream and holler, holler with a number left in the pages. He gonna call you in the book. She don't know. She don't know. Said she don't know. Une chanson de Mélodie Gardot choisie pour nous par Djoubaka pour Autant n'importe l'histoire sur France Inter. L'émission est réalisée par Antoine Dabrowski, assisté de Christiane Alain Favre à la technique Mehdi Fatah. Myriam Boussaba Bravard, l'histoire des suffragettes, on le sait, c'est une histoire de manifestation, une histoire de lutte pour les droits civiques, une histoire politique donc. Mais est-ce que ce n'est pas aussi l'histoire d'une libération de la parole et des corps? Un peu comme on vient d'entendre ces deux jeunes femmes qui roulent comme ça dans l'herbe. Il y a une idée qu'on va se libérer de quelque chose, une histoire d'une émancipation personnelle aussi. Je pense que c'est difficile de dissocier tout ce qui concerne une personne. En fait, ces femmes, elles portent des vêtements, elles ont des activités où on leur refuse certaines activités. Enfin, tout dépend des contextes. Mais oui, c'est un moment où, pour les hommes comme pour les femmes, il y a des prises de parole beaucoup plus importantes. On est les années 1890 en Grande-Bretagne. C'est une grande démocratisation du pays. Par la presse, par les débuts de la radio, par toutes sortes de choses, la disparition du corset, la bicyclette. Donc oui, le corps, les corps et les esprits se démocratisent, si je puis me permettre. Et d'autant qu'au niveau légal, il n'y a plus de possibilité de dire que les corps ne sont plus la propriété des femmes. Depuis 1884, les épouses sont propriétaires de leur corps, ça n'est plus leur mari. Donc là, il y a une mise en pratique, si vous voulez, de ce qui a été formalisé dans la loi en 1884 par une certaine libération des corps. Il y a une image qui apparaît dans ce qu'on vient d'entendre, dans cette histoire, celle de Victoria, donc cette jeune femme au début assez conformiste, qui adore regarder le tableau de Millais à la Tate Gallery, donc ce musée londonien. Elle voit ce tableau donc qui représente Ophélie, l'amoureuse donc de Hamlet, pièce de Shakespeare. Cette Ophélie qui se noie et elle dit qu'elle avait l'impression que c'était d'elle-même qu'il s'agissait. Et elle dit, après ma rencontre avec Teresa, je me suis déshabillée, la robe a sombré. C'est c'est assez beau, je trouve, cette image. Oui, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que ça suggère aussi que les objectifs éducatifs des jeunes filles en particulier vont changer, c'est-à-dire l'amoureuse parfaite, en fait celle qui meurt, qui n'a pas de vie, qui sombre, qui est très jolie, tout le monde la regarde, mais bon, ça n'a pas d'avenir. Et donc là, en fait, j'ai trouvé ça aussi intéressant dans cette fiction, c'est le fait que les idéaux, les visions de soi-même, les visions d'autrui, et là, pour le coup, c'est aussi vrai pour les hommes, il y a des remises en question absolument générales de la société à ce moment-là, auxquelles les femmes participent aussi. Et la scène, bien sûr, où ces deux amis se promènent à Oxford, une scène que vous avez sans doute reconnue, empruntée à Virginia Woolf dans une chambre à soi, on a du mal à imaginer. C'était quand même assez absurde aussi, ce sexisme, cette séparation, cette ségrégation entre les hommes et les femmes. Des pelouses interdites aux femmes, une bibliothèque interdite aux femmes, des universités où les femmes ne pouvaient pas étudier. Alors oui, bon, l'absurdité, nous on la voit aujourd'hui. Beaucoup de ces femmes ont commencé à le voir avant les hommes qui avaient les pouvoirs décisionnels. Ça paraissait pas absurde pour une grande majorité des gens. En tout cas, si on revient sur la question du vote, avant 1910, il y a des grandes discussions, et c'est après 1910 que ça commence à devenir absurde que les femmes n'aient pas le vote pour une majorité de plus en plus importante. Alors le sexisme, oui, le sexisme est là, mais même dans la campagne pour le vote, on pourrait dire qu'il y a certaines femmes qui sont suffragistes, qui veulent le vote, mais qui veulent pas plus que le vote. Donc en fait, il faut quand même faire attention. C'est que cette campagne suffragiste qui a été absolument extraordinaire à l'époque parce qu'elle est, elle inclut de nombreuses femmes, elle est connue dans le monde entier, hein, donc elle est très très célèbre. Les suffragettes vont donner un peu d'épices, vont épicer encore plus cette campagne par des actions spectaculaires. Mais ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que cette campagne pour le vote. Certaines des femmes impliquées dans la campagne pour le vote ne veulent pas une émancipation des femmes sur tous les fronts et sur tous les plans. Oui, il faut rester respectable. Oui. Par exemple, on peut penser aux conservatrices qui font partie de la grande fédération suffragiste, donc pas à ses débuts, mais elles deviennent, c'est en 1912 que l'association des conservatrices suffragistes crée. Elles appartiennent à la fédération de Fawcett. Elles disent il faut que les femmes, elles vote, mais attention, à l'époque c'est un vote censitaire, puisque tous les hommes n'ont pas le vote non plus, et elles disent il faut absolument que les femmes elles votent sur une base censitaire, c'est-à-dire qu'elles soient contribuables ou épouses de contribuables, et elles essaient de convaincre leurs homologues conservateurs que c'est la seule façon d'empêcher le suffrage universel masculin et féminin. Ah bah oui. Donc attention, il y a plusieurs enjeux. Oui, ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une alliance sur le vote des femmes, le slogan étant dans les mêmes termes, on the same terms as men, donc exactement dans les mêmes termes, puisqu'il est censitaire à l'époque, eh bien elle demande le suffrage censitaire, et il y en a qui veulent s'arrêter là. Alors pour revenir sur les méthodes employées par ces femmes pour arriver à l'obtention du droit de vote, on est assez surpris aujourd'hui de quand même, il y a eu des mouvements, ce mouvement de Emmeline Pankhurst est allé très loin dans la violence. C'est surtout l'apogée, ça a été 1912, mais on a un peu oublié aujourd'hui, et en plus on est en Angleterre, un pays quand même assez respectueux du droit, des actions extrêmement violentes. Il y a même eu des bombes incendiaires qui ont été lancées contre des maisons, même une église qui a été incendiée. Comment expliquer cette violence ? Alors, bon, d'abord, c'est vers la fin de la campagne. Cette campagne, ça dure plus de 50 ans, donc il faut toujours resituer. Ça commence dans les années 1860 et ça commence sous une forme évidemment tout à fait légale, les mêmes formes qu'empruntent des associations masculines ou des partis masculins, des partis politiques. Mais d'entrée de jeu, si vous voulez, la différence, c'est que les partis politiques de l'époque, dans les années 1860, disent le suffrage masculin, c'est politique. Le suffrage des femmes, c'est social. Donc, comme c'est social, on n'a pas besoin de s'en occuper de la même façon. Oui, parce que les femmes appartiennent à la sphère privée et les hommes à la sphère publique. Oui, c'est l'argument qu'on emploie à l'époque. Mais les partis politiques, bien que les femmes n'aient pas le droit d'être adhérentes des partis politiques, ils ont tous des femmes dans leur section féminine parce que évidemment, elles sont très utiles pour les levées de fonds, pour organiser des événements, etc. Faire le ménage, distribuer le courrier, enfin faire bon, le café, les petites comme mains, en 68. Quoi, les petites mains de la politique. Donc, oui. En 1860, c'est ça. Et donc, ça vient pas à l'idée à l'époque de évidemment d'aller dans la violence, parce que pour l'instant les violences politiques sont encore assez peu connues, et c'est avec notamment les Russes, hein, la Russie des années 1890 et les nihilistes qui vont introduire une violence organisée contre l'État et terroriste, enfin une violence de type terroriste. Et donc les suffragettes des Pankhurst connaissent toute cette histoire-là comme à peu près tout le monde, et vont mettre en pratique. Sauf que la violence qu'elles vont prôner à partir de 1909-1910, c'est une violence qui ne doit pas inclure la mort de personne. Oui, ni c'est même la différence avec les nihilistes quand oui, même. Hein. Oui, oui, ni même la mort de d'animaux de compagnie. Hein. Donc c'est très anglais, c'est très précis. Le sentimentalisme victorien, on peut appeler ça. C'est précisé. Oui. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a d'autres suffragettes. Il y a un autre groupe de suffragettes, celle de la Women's Freedom League, qui font scission et qui elles sont pour la désobéissance à l'État. Par exemple, le boycott du recensement de 1911, c'est la grève fiscale, hein, elles refusent de payer des impôts, etc., etc. Ah oui, parce que ces femmes, elles n'ont pas le droit de vote, mais elles doivent payer des impôts. Bien c'est entendu. Un petit peu comme en France, il y avait aussi la grève de l'impôt. Oui, oui. Donc il y a tous ces mouvements-là qui font qu'on voit bien que la question du vote, l'avoir ou ne pas l'avoir, est liée à énormément de conditions, de fantasmes. Hein. Un des grands fantasmes, c'est que si les femmes ont le vote, le pays va disparaître dans une cacophonie de poulaillers. Hein. Enfin bon, ça c'est quelque chose qui est très présent. Il y a ceux qui disent il faut pas leur donner le vote, puis il y a ceux qui disent mais si on leur donne, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la fin du monde. Hein. Oui. Et ces femmes ont quand même su manier aussi le quelque chose qui est assez nouveau à l'époque, c'est l'aspect médiatique. Elles étaient partout dans la presse à cause de ces actions spectaculaires, s'enchaîner à des grilles. Tout ça, c'était aussi pour attirer l'attention sur ce, oui, absolument, sur ça, sur c'est ce les, sujet. Ce sont les autres suffragettes, c'est-à-dire les suffragettes non violentes qui... Alors là, on est plutôt vers 1907, à partir de 1907. Il faut dire quand même que les suffragistes, donc celles qu'on a appelées les constitutionnalistes, celles qui respectent la loi, etc., font aussi des manifestations exceptionnelles, comme des traversées à pied du pays, des grandes processions dans Londres. Donc il y a une mise en scène de la visibilité de la revendication à travers le nombre et à travers les médias. Chacune de ces organisations suffragistes a son hebdomadaire. Et donc, voilà, tout ça, ça contribue à nourrir la scène médiatique, surtout après 1907. Il y a quelque chose que vous dites, c'est le rôle important des hommes, qu'on entend d'ailleurs dans la fiction, c'est le personnage, avec le personnage de Stuart, le mari de Victoria. Il y a eu aussi des hommes qui se sont battus auprès des femmes pour obtenir le droit de vote féminin. En effet, il y a toujours eu des hommes aux côtés des femmes pour l'émancipation des femmes. Je pense que c'est une généralité, mais qu'on peut prouver à différentes périodes. Avec eux, ces hommes-là pouvant rencontrer des difficultés assez sérieuses sur leur métier, sur leur personne, des remises en question sur leur virilité. S'ils soutiennent les femmes, c'est que ce sont pas des vrais hommes. Hein, enfin bon, etc. Donc oui. Donc il y a les épouses qu'on oublie toujours, et il faut faire attention aux stéréotypes de la suffragiste ou de la suffragiste, qui est en général la vieille fille dépenaillée, hideuse, donc personne n'en a voulu comme épouse, donc c'est pour ça qu'elle est à moitié folle et donc elle est devenue suffragiste ou suffragette. Or, la plupart de ces femmes, bien entendu, étaient des épouses et des mères. Par ailleurs, on a parlé d'organisations suffragistes féminines, mais il y avait des organisations suffragistes masculines pour les différentes tendances, et qui servaient de garde du corps ou qui servaient à encadrer les manifestations de leurs homologues femmes. Myriam Boussaba-Bravard, est-ce que vous avez vu le film Suffragette de Sarah Gavron avec Meryl Streep dans le rôle d'Emmeline Pankhurst? Oui, bien sûr. Oui, c'est bien. Je l'ai vu, oui. Vous le conseillez? J'ai écouté, oui, j'ai trouvé que c'était une très belle fiction. Ça montre que... Presque aussi bien que la nôtre. ça montre que l'histoire, enfin, que des éléments, des épisodes historiques très forts font de très belles fictions. Évidemment, je suppose que l'ambition n'est pas de révéler toute la campagne suffragiste au public. international. Merci beaucoup Myriam Boussaba-Bravard. Donc, concernant l'histoire des suffragettes, je conseille vivement de visionner un documentaire diffusé sur Arte en 2013 auquel vous avez participé, qui a été réalisé par Michel Dominici. Ça s'appelle Les suffragettes en Angleterre, la lutte pour le droit de vote. J'en profite pour conseiller aussi un spectacle actuellement en salle, un spectacle sur l'histoire des droits des femmes en France. Ça s'appelle Et pendant ce temps, Simone Veil, qui est visible encore quelques jours au studio Héberto. Autant n'importe l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission, bien sûr, est réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends avec impatience vos commentaires.